Nightmare Mixtep. Ok. ODT Mixtep. Nightmare Mixtep. Volume 1. Nightmare Mixtep. Ta nightmare. Ta nightmare. Street Day. ODT DJ Nightmare. J'utérise ma bouche, cause comme un pushka. 12 coups de ratouchka. Rap zouz dans ma bouche, c'est la doudou de manouchka. Bagouz à la main gauche, et j'adore de couscous dans la cour. Et du coup de mousse dans la gousse, et du coup de blouse, et du coup j'tard. J'rappe à la gorge rouge. Tu veux de l'or, alors bouge jusqu'à l'aurore. Mais l'heure quand l'or j'tourne, c'est comme si t'étais George. Bouche rouge, gorge dans un coup, gorge. Attends de belader dans un Porsche rouge. Telle est ma poésie, une vie de bohème comme mon. Ils ont mon mot dans un Boeing, a su sa prophétie. Est-ce un mauvais signe? Ça veut dire 206, c'est serré, c'est censé dire, mais casser et c'est vif. Attends plus de décennies avant de décéder vif. Comme si t'étais la cible d'un décédis. Avancer et penser vite, dépenser, tant que tu files, profite de vis-à-vis, de ravis, et surtout de l'argent du pire.